avec le tir d'un projectile de type flashball. Coup dur pour votre portefeuille en plein chassé croisé des vacances. Le prix des carburants continue de flamber. Plus 11 centimes pour le litre de samplon 95, plus 14 centimes le litre de gazole. En cause, la hausse du cours du baril de pétrole. Pas de baisse attendue avant le mois prochain. Et puis, coup de chaud cette fois sur la planète. La moyenne de la température mondiale relevée au mois de juillet a battu tous les records. 16,95 degrés, tout simplement le mois le plus chaud jamais enregistré sur Terre selon les données de l'agence européenne Copernicus. Voilà pour l'essentiel de l'actualité, c'est la fin de cette édition. Passez une excellente journée. Merci beaucoup, 12h02. Place maintenant à l'actu près de chez vous, édition de la mi-journée présentée par Boris Blais. Bonjour Boris. Bonjour Patrice, bonjour à tous. Coup de filet des enquêteurs, des trafiquants de cannabis entre Niort et La Rochelle ont été condamnés. La Tour Nivelle de Courlay propose tous les jeudis des ateliers scientifiques avec des intervenants de l'espace Mendès France de Poitiers. Il y en a pour toute la famille. À Cercey, de la musique pour aider à supporter la maladie, c'est le Soli Festival. Il aura lieu les 25 et 26 août. Et puis conférence de presse de rentrée hier pour Cholet Basket, l'effectif est complet. Enfin presque, puisqu'on attend des crédits supplémentaires pour le recrutement d'un 10e joueur professionnel. Ils achetaient du cannabis dans le quartier du Clou Boucher à Niort pour le revendre à La Rochelle. Après l'avoir conditionné en Vendée, les enquêteurs viennent de démanteler un vaste trafic. Deux trafiquants ont été jugés la semaine dernière à La Rochelle. Ils écopent respectivement de 15 mois de prison, dont 8 sous sursis probatoire. Le second écope, lui, de 18 mois de prison, dont 9 sous sursis probatoire. La Tour Nivelle propose des ateliers scientifiques. Ça se passe tous les jeudis de l'été. Revêtir la tenue des écoliers, s'asseoir aux anciens pupitres en bois, écrire à la plume et à l'encre violette. À la Tour Nivelle, il est facile de replonger en famille dans l'ambiance d'une école d'autrefois au début du XXe siècle. Il suffit de choisir la visite ou l'animation qui vous convient et prendre la place des écoliers qui fréquentaient l'école en 1900. Le musée met également en valeur la vie et l'œuvre d'Ernest Perrochon, ancien élève de la Tour Nivelle. Cet écrivain, prix Goncourt 1920, vous entraîne dans une découverte insolite du Poitou. Mais tous les jeudis, des activités supplémentaires s'invite à des ateliers scientifiques qui proposent des jeux ludiques aussi bien destinés aux adultes qu'aux enfants, comme l'explique Perrine Lang, responsable et animatrice au musée de la Tour Nivelle. C'est un partenariat que nous avons depuis quelques années avec l'espace Mendès France de Poitiers. Un médiateur scientifique de l'espace intervient directement auprès des visiteurs, adultes mais aussi enfants, donc c'est vraiment ouvert aux familles. Par exemple, hier, on a parlé de préhistoire avec les premiers hommes, et de chimie, donc vous voyez, c'est vraiment deux thèmes différents. Par la suite, nous aurons par exemple le secret des constellations disparues, et puis ensuite, nous aurons également un atelier sur la police scientifique, plutôt sur les méthodes de la police scientifique, hein, comment ils utilisent les preuves pour résoudre des crimes, hein, notamment. Ce sera le jeudi 10 août. Et le dernier jeudi, donc le 17 août, donc là, on va se retrouver plus près des étoiles à nouveau. Donc avec les astronomes aventuriers, l'apport scientifique des grands voyages, hein, les découvertes, et puis les phases de la Lune. Donc là, c'est pourquoi la Lune à des phases différentes selon les époques. Les ateliers scientifiques ont lieu tous les jeudis à la Tour Nivelle de Courlay et c'est pour toute la famille. Au programme, par exemple, cette semaine, jeudi 10 août, que fait la police scientifique ? Puis le jeudi suivant, le 17 août, les astronomes aventuriers, les phases de la Lune. 1 euro supplémentaire sur le tarif d'entrée pour tous les participants, soit 4 euros pour les moins de 18 ans, 6 euros pour les adultes. La Tour Nivelle qui accueillait entre 7000 et 8000 visiteurs chaque année avant le Covid. Le site n'a pas encore réussi à retrouver les mêmes chiffres depuis 2020. Cependant, bonne nouvelle pour le mois de juillet. Le mois a été quasiment aussi bon que les années précédentes de l'avant-Covid. À Cercey, de la musique pour aider à supporter la maladie. Le Soli Festival, c'est-à-dire le Festival Solidaire, fait son 4e retour. Ce sera les 25 et 26 août, non pas à Thouars, mais à Cercey, commune de Val-en-Vigne. Cette fois pour porter la musique au creux du terroir thouarçais, car c'est toujours avec le même engagement que les bénévoles s'activent à la réussite de ce rendez-vous musical autour de Steve Fernandez. Le programmateur thouarçais détaille l'affiche avec délectation au micro-colline de Dominique Hérault. Plein de styles différents. Donc on aura du rock avec les Interquen qui nous viennent du Jura, du reggae avec Grézou qui vient de Paris, Tetraidoka, de la basse musique électro, de la dub, du rocksteady avec The Meritonians, des reggae, du ska rock avec la Brigade du Kiff. Une belle affiche permettre aux gens de découvrir différents styles et de toucher un maximum de personnes de 7 à 77 ans, voire plus. Comment on fait pour obtenir toutes ces bonnes adresses? Alors, appartenant au monde de la musique, j'ai pu créer des connaissances. Et grâce à l'équipe du Soli Festival, de leur accueil, leur sourire et du bien-être fourni, et surtout le matériel aussi aux artistes, les productions jouent le jeu sur les tarifs pour nous permettre d'avoir ces artistes qui viennent à nos côtés pour la cause également. Et pour la bonne cause, puisqu'il s'agit d'aider matériellement des familles dont les enfants sont touchés par le handicap. Ce qui nous anime, c'est de venir en aide aux enfants atteints de handicap. Donc actuellement, nous nous occupons du petit Antonio atteint d'hémiparésie, de la petite Louise atteinte de trisomie 17. Par la suite, nous nous intéressons à la petite Léna aussi, basée sur la commune de Valenvigne. Pourquoi aussi peu d'enfants? C'est qu'il y a un suivi aussi social. Le but est d'accompagner des enfants petit à petit, mais de les suivre pendant le parcours de vie. Les principales difficultés de ces familles, c'est le côté budgétaire, comme l'achat de couches, l'achat de chaussures orthopédiques, matériel médical et autres besoins. Alors l'intégration scolaire, c'est vrai que c'est une chose qui nous touche aussi, donc on essaye actuellement d'intervenir dans les écoles, car le handicap c'est un fauteuil, mais il y a du visible, du non visible, et c'est bien d'échanger sur tous ces sujets-là. La recette sera donc versée pour limiter les dépenses liées aux besoins des familles concernées par le handicap. La dizaine d'artistes qui se produira les vendredis 25 et samedi 26 août en a pleinement conscience, et en réservant des billets entre 8 et 20 euros, le public saura, lui aussi, pourquoi il appréciera doublement les concerts de Cercet. Un reportage signé Dominique Hérault. Pas moins de 1200 convives au Cassoulet géant de Pierrefitte. C'était ce week-end. Le comité du Cassoulet se dit satisfait. On passe au sport. Choli Basket a lancé sa saison hier par le Point Presse et les traditionnels tests physiques et médicaux. Accompagné du président Jérôme Mérignac, le technicien Laurent Villa a fait le point sur son nouvel effectif et les ambitions de cette saison qui alliera un championnat à 3 descentes et une Coupe d'Europe. Le technicien Choletais possède actuellement un effectif de 9 joueurs professionnels qui devrait s'élargir à 10 avec l'arrivée d'un poste 4 d'ici la fin de l'été. Il y avait une forme de contrainte quand même pour nous, puisqu'on a commencé à travailler assez tôt, fin mai, début juin, sur la recherche des joueurs par rapport aux contraintes de visa qui a un petit peu changé la donne. Donc on ne voulait pas non plus prendre trop de retard, parce que supposons on fait venir Blakes à une signature fin juillet, ben on aurait pu peut-être attendre jusqu'à fin août. On sait que commencer la saison à 9 joueurs, c'est possible, mais faire toute la saison à 9, ça va être compliqué, surtout avec l'ambition sportive qui est la nôtre pour faire les deux compétitions, hein, bien sûr le championnat de France et une compétition européenne. Donc du coup voilà, on travaille avec tout toute la direction. Et tout le staff commercial travaille aussi pour avoir une rallonge financière et faire venir un dixième joueur. On fera ça, ouais. Le coach Choletais, Laurent Villa, au micro-colline de François Larue. Le recrutement continue donc pour ce dixième joueur professionnel attendu d'ici la fin de l'été. Les Choletais débuteront leur match de préparation le 19 août contre Blois, avant d'entamer le championnat le 16 septembre avec la réception de Roanne. Quel temps aujourd'hui ? Découvrez la météo avec Seolis, votre fournisseur d'électricité et de gaz en Deux-Sèvres. Un petit point sur la météo de cet après-midi sur les Deux-Sèvres. Alternance de nuages et de soleil. Le mercure montera jusqu'à 26 degrés du nord au sud du département. Un soleil qui dominera davantage sur le Niortais aujourd'hui, également sur le Marais Poitevin. Demain, mercredi, le ciel sera totalement dégagé avec une large domination du soleil sur l'ensemble des Deux-Sèvres et jusqu'à 29 degrés pour les maximales. Beau temps confirmé aussi pour jeudi. Passez une belle journée avec Colline. Tout de suite, c'est le retour de la musique avec Patrice. C'était la météo avec Seolis, votre fournisseur d'électricité et de gaz en Deux-Sèvres. L'énergie est notre avenir, économisons-la. L'édition de la mi-journée ce mardi présentée par Boris Blé. Merci beaucoup Boris, que l'on retrouvera désormais demain matin à 8h. Dans un instant, retour de la musique avec le nouveau titre de Louise Attaque. Je vous laisse là, je vous souhaite une très très belle après-midi avec Colline et j'aurai l'immense plaisir de vous retrouver tout à l'heure à 17h. Ciao, ciao. Ah, l'été, c'est les vacances! Ah, pas pour les meubles du Vieux Moulin. Et pourquoi? Parce qu'ils ont des offres estivales. Et c'est quoi ça? Des prix tout doux, tout l'été, pour ton mobilier, ta déco, ta literie. Et c'est aux meubles du Vieux Moulin. Route de Nantes à Mauléon. Leclerc. Bon, je file prendre du thé glacé, j'ai un gros programme aujourd'hui. Du thé glacé? Ah bah t'as pas vu? Le 9 août, il y a 34% en ticket Leclerc sur tout le rayon. Sur tous les thés glacés? Top! Et c'est quoi ton programme? Ah bah Transat, lunettes de soleil et thé glacé. Avec 34% en ticket Leclerc. Exactement.

rêve qui donne envie de rester couché. C'est dans toute la semaine, elle a envie de tout quitter. Elle a des idées de grandeur, mais grandes sont les peurs de tout risquer. Donc elle collectionne les pleurs en voyant son temps se vider. On devrait danser dans la tornade, on devrait laisser les vents nous guider et partir comme des nomades, on devrait ou simplement se laisser glisser. Elle rêve d'une maison de plage, moi je rêvais d'elle à mes côtés. Finir nos jours sur le sable, passer nos nuits à se sauver. Je veux être la cause de son bonheur, mais j'ai du mal à la voir hésiter. Donc je collectionne les peurs jusqu'au jour où je vais me décider. On devrait dans la tornade, on devrait laisser les vents nous guider et partir comme des nomades, on devrait ou simplement se laisser glisser. Encore ce genre de rêve qui donne envie de rester couché. Elle est pendue à mes lèvres, on vit de nos baisers salés. On devrait danser dans la tornade, on devrait laisser les vents nous guider et partir comme les nomades. Simplement s'aimer. Colline. Colline. Colline. It was only a smile, but my heart it went wild. I wasn't expecting that. It's just a delicate kiss anyone could have missed. I wasn't expecting that. Did I misread the sign? Your hand slipped into mine. I wasn't expecting that. You spent the night in my bed. You woke up and you said, well, I wasn't expecting that. I thought love wasn't meant to last. I thought you were just passing through. If I ever get the nerve to ask, what did I get right to deserve somebody like you? It was only a word, it was almost misheard. I wasn't expecting that. But it came without fear, a month turned into a year. I wasn't expecting that. I thought love wasn't meant to last. Honey, I thought you were just passing through. Get the nerve to ask, what did I get right to deserve somebody like you? I wasn't expecting that.

rather be here thinking about the now, 'cause this breath could fade fast and this day could be your last. Colline. Je n'ai pas peur des Américains, ni des cons, ni des politiciens. Mais j'ai peur de t'attraper la main et que tu m'esquives encore. Je ne sais pas si cet amour est fort ou s'il ressemble à la chasse au trésor. Si t'en veux pas, sache que je le déplore et que je m'excuse encore. Je n'ai pas peur de la mort, mais que tu m'évites encore. Je te préviens, matador, qu'un jour je t'aurai à l'or. On a vu des taureaux aimer les toreros. Je n'ai pas peur des ordinateurs, ni des virus exterminateurs. J'ai défoncé tellement de gladiateurs qu'ils ont disparu alors. J'aimerais bien t'emmener sur le port, te refaire le coup du conquistador. J'ai peur que tu joues les toréadors et que tu m'esquives encore. Je n'ai pas peur de la mort, mais que tu m'évites encore. Je te préviens, matador, qu'un jour je t'aurai à l'or. On a vu des taureaux aimer les toreros. On a vu des taureaux aimer les toreros. Vamos, chicano. Mitsuko, j'aurai la vie Mitsuko. Un beau clip vidéo en bleu indigo. Mitsuko, je veux quitter mes sabots d'une vie rangée sans tango. Un fade fado. Même dans les halos du soleil, mon visage est pâle. L'été, les bungalows, sur la plage, pas l'eau, pas l'eau. Je n'aime pas l'eau, je regarde les autres assis là-haut, près du camion à gaufre. Et le soir qui vient, le soir plus rien, alors j'éteins. Le soir tout s'éteint. Mitsuko, j'aurai la vie Mitsuko. Un beau clip vidéo en bleu indigo. Mitsuko, je veux quitter mes sabots d'une vie rangée sans tango. Un fade fado. Chou, qu'est-ce que tu dis quand tu dis indie dans cette fantaisie. Mou, qu'est-ce que c'est mou, dans mon décor sans rebond, sans remous. Je veux refaire toute ma déco comme de mon dino. Un clip vidéo, Mitsuko. J'aurai la vie, Mitsuko. Un beau clip vidéo en bleu indigo. Mitsuko, je veux quitter mes sabots d'une vie rangée sans tango. Un fado fado. Mitsuko, j'aurai la vie, Mitsuko. Un beau clip vidéo en bleu indigo. Mitsuko, je veux quitter mes sabots d'une vie rangée sans tango. Un fado fado. That everybody gets older, but I guess that's not the case. 'Cause you said goodbye to your family last night. You were only 28, and the year is gonna get a lot colder, but you'll always be stuck in June. When the trees turn red, will it hit me then that I'm not gonna see you soon? I never said goodbye, and I was sinking in. That the last time I saw you, we were kids. I guess the hardest part of getting old is that some people that you love don't. Yeah, I thought that everybody gets better, but I guess that's not the truth. Drive last night, tried to clear my mind, but I turned the whole highway blue. Yeah, I cried when I bet the last text that you sent, 'cause I'll never see those three dots there again. I never said goodbye, and I was sinking in. That the last time I saw you, we were kids. I guess the hardest part getting old is that some people that you love don't. And I don't know what to say to your little brother. Who am I to say it's gonna be okay? My mom's friends with your mother catching up. It's never gonna be the same. No more texts on your birthday. Every time another friend says your name, don't know what to say. I never said goodbye, and now it's sinking in. That the last time I saw you, we were kids. I guess the hardest part of getting old is that some people that you love don't. I wish I would have tried harder to stay in touch. I thought we had more time, too busy growing up. I guess the hardest part of getting old is that some people that you love don't. L'été sur colline. L'été sur colline.

yeah, brush your hair. Yeah, I like it when you smile. Won't you stay with me just for a little while? Can I take you home? Can I take you home? We can go anywhere you wanna go. Can I take you high to the mountain sky? We can go as far as you wanna go. Better with you, baby, for the booze got you. colline. Now that now you have to go, it's already late. But there's a thing that you should know, and I don't wanna wait. These days with you was such a dream, I think you are the one. Impossible to keep you here, you have a new life to begin. Why?

les étés passent tout le temps qu'il faudra tuer. Dans tous mes draps, tous mes états, dans tous les miroirs, si à moi passent les ratures, passent les futurs, sur le piano, les chevelures. Colline. I'm crying out toward empty sky. if I hit the ground and I fall down to my knees, would you hear the sound? Am I crazy to think that we could ever make it out? Am I crazy to believe there's a middle ground? Oh, crazy you to believe there's a middle ground. Oh, I need you to believe. Oh, there's a middle ground. Colline. I got a feeling that we got a chemistry, give me what's on your mind. Telling me everything, but it ain't happening. Wish I could read your vibe. Making movements. Now I don't think you're looking for a new friend. Yeah, yeah, yeah, yeah. Rather be waiting here, can we get out of here? Wanna get you alone. So if you're into me, I can see energy. Why are you on your phone? Cause the truth is, I'm not really looking for a new friend. Yeah, yeah, yeah, yeah. I don't see nothing wrong with you and me getting along. I don't see nothing wrong with you and me getting along. So sway with me, don't speak. Stay with me, no sleep. Baby, are you tied up? I wanna know now. Are we gonna stay up? Are we gonna get up? But we ain't got the time, wanna get out these clothes. Honestly, I don't care, we can go anywhere. Wanna see how this goes. But the truth is, all this acting cool is kinda useless. Cause you wasted. Sway with me, don't speak. Stay with me, no sleep. Baby, are you tied up? I wanna know now. Are we gonna stay up? Are we gonna get out this crowd? Sway with me, don't speak. Don't speak, show me you want me. Baby, are you tied up? There's not one thing that I would change. much better than the last one you brought around. Please and thank you, everything matters. I'm gonna make sure that she knows I'm the best she's found. The moment she walks out the door, I'm not pretending anymore. If your mother knew all of the things that we do. From you. If your mother knew all the things we do. Sneak out the window, bed over pillows. I'll be waiting in the car right around the block. Back of the Benz, holding the friend zone. We've been hiding since the time they forgot to knock. c'était à refaire, est-ce qu'on le referait ?